Bonjour, je suis Véronique Pillot-Bouillet, praticienne en massages intuitifs et créatifs. Le massage, ça se vit, ça se ressent, mais je relève un défi, vous en parler. Je constate que dans notre culture occidentale, ma pratique reste méconnue. Le massage, en général, on en a une idée. On connaît des noms de massages plus ou moins exotiques, le kiné en fait parfois. En voyage, certains hôtels en proposent, l'imaginaire galope. Mais finalement, rares sont ceux qui ont déjà décroché leur téléphone pour prendre un rendez-vous chez un ou une praticienne spécialisée en massage. Bien installés dans notre quotidien, nos esprits fourmillants, notre corps suit. Pourquoi le masser, lui offrir un toucher conscient, sain, nourrissant? Pour te répondre, je vais te raconter ici des histoires inspirées de ce qui se vit entre mes mains. La confidentialité est bien sûr respectée, même si certains se reconnaîtront peut-être. Il y a de vous et de moi dans mes mots. Allez, je t'emmène dans ma bulle. Épisode 7. Consentement. Mardi, 9h. Tu es une femme, 50 ans. Au téléphone, tu m'as dit que tu m'appelais parce que tu sentais que tu peux avoir confiance. Ma communication te rassure. Quand tu arrives, je te sens pourtant très verrouillée et méfiante. Je t'explique comment je travaille. Tu me dis peu de toi. Je sens que tu n'arrives pas à passer le cap d'aller te déshabiller. Il y a une réticence. Je te demande si tu as toujours envie de ce massage. Je te dis que c'est ok de changer d'avis, que cet échange est peut-être assez pour aujourd'hui et que tu peux envisager de revenir une autre fois, si c'est mieux. Il n'y a aucune obligation. Idem pour la tenue si tu choisis d'être massé aujourd'hui. Un massage ne veut pas forcément dire se retrouver presque nu, exposé sur une table. Si aujourd'hui c'est habillé, alors c'est parfait. Je t'invite à prendre le temps de clarifier ce qui est juste pour toi, ici et maintenant. Tu choisis de rester et de rester habillé. Tu t'allonges sur le dos, les yeux grands ouverts. Une couverture sur toi. Ton corps est comme une statue. Rigide, froid. Je m'assieds derrière ta tête et je pose mes mains sur tes épaules jusqu'à entendre un oui pour continuer. Je sors une main de sous la couverture pour la masser. Je la remets au chaud, puis l'autre main, un pied, le deuxième, zone par zone, avec chaque fois le même processus. Attendre un oui, masser, recouvrir. Pour aujourd'hui, on en reste là. Tu n'es pas prête pour plus ou être sur le ventre. Tu disparais plusieurs mois et depuis, tu reviens régulièrement. Ton histoire de vie, c'est 30 ans avec un homme qui t'a tout volé. L'histoire que je viens de te raconter est une expérience de massage parmi d'autres, plus particulièrement un massage intuitif, mon approche, centrée sur toi, l'humain, avec beaucoup de liberté, de créativité et d'adaptation. En quoi ce récit t'a-t-il touché? Qu'en retiens-tu? Ferme les yeux, fais le tour de toi, de ton corps, ta vie, et complète la phrase. Demander un massage me ferait du bien pour... Avec ce podcast, tu as découvert la source massage. Je t'invite à y venir dès que tu en ressens le besoin. Retrouve-moi sur Internet, Facebook, Deezer, Spotify, YouTube, en tapant les massages de Véronique. À très vite pour un nouvel épisode.